En voilà un excellent film. Comme beaucoup, je me suis reconnu dans ce personnage de Walter Mitty. Introverti et se posant lui-même des barrières qui le brident, sa seule échappatoire est son imagination débordante. Ça fait du bien de voir ce genre de personnage si humain et si gris, comme on se représente un peu tous, reprendre soudainement des couleurs et partir à l'aventure. Et si on se projette autant dans ses aventures, c'est avant tout grâce à Ben Stiller, qui prouve ici l'étendue de son talent, tout en tendresse et en retenue dans le monde réel et complètement démesuré dans ses délires oniriques. Dualité que l'on retrouve merveilleusement dans sa réalisation, tour à tour contemplative, imaginative et parfois complètement over the top. Sans vouloir en faire des tonnes, je pense que ce film est le chef-d'œuvre de Ben Stiller, à de grandes coudées devant mon autre favori, Tonnerre sous les tropiques. Mais la preuve que Ben Stiller est un grand, c'est que dans ce film, il m'a rendu Sean Penn très sympathique.